La maison d'édition près le Parti Travail de Corée a fait paraître les souvenirs des participants à la guerre de libération de la patrie, tome 2. Le livre contient 19 souvenirs sur le président Kim Il-sung qui a conduit à la victoire la guerre par ses pensées et méthodes originales de combat, ses stratégies et tactiques prodigieuses, ainsi que sur l'esprit inflexible et l'héroïsme des militaires et civils coréens qui se sont sacrifiés pour la patrie précieuse.